Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son de Baba. Bonjour Monsieur Melon. Hello Grigoula. Bonjour David, bienvenue David à la technique, toujours... Des studios Maple. En direct des studios Maple, David est aux manettes, et j'espère qu'il va nous faire un bon son, et puis que nous on va essayer d'éviter de zozoter. Et on va commencer cette émission tout de suite par... Death to Pigs, leur troisième album, on va écouter un extrait, le morceau s'appelle Viviane, vraiment c'est leur meilleur album, on en parle juste après. Death to Pigs, dans le secret du son d'Abba. Death to Pigs dans le secret du son d'Abba avec le morceau Viviane tiré de leur album Live in Karachi. C'est pas du tout un live, c'est un nouvel album studio, leur troisième. Moi j'avais aimé les deux précédents, j'avais beaucoup aimé leur 10 pouces, leur premier 45 tours, je crois que j'avais tout aimé. Mais celui-ci est vraiment super et encore plus mieux. Et elle commence bien cette émission. Et voilà, que dire, Death to Pigs a vu le départ de Pavel à la guitare, continuer le projet La Race, et est arrivé à la guitare Julien, qu'on connaît très bien ici dans le secret de son d'Abba, parce qu'on a déjà diffusé son projet solo génial qui s'appelle The Austrasian Goat. Et Julien revient prendre les rênes de la formation. Toujours dans un esprit post-punk, on n'est pas loin de Peel, on n'est pas loin de parfois de Jesus Lizard, de Birthday Party, mais j'ai trouvé que c'était plutôt Black Flag, les derniers albums de Black Flag qui revenaient ici. Évidemment, on est en 2012, c'est vraiment à la sauce 2012, ça reste toujours très contemporain, assez moderne, et en tout cas, cet album de Death to Pigs, il est chaudement recommandé pour les amateurs de post-punk, de haute volée. Je pense que c'est j'ai peur de m'avancer, mais je crois que ça fait très très longtemps que j'avais pas écouté un album comme ça, aussi fin, dans le genre là, aussi varié, avec aussi bien digéré les influences. T'es en train de nous dire que c'est un de tes préférés de l'année ? C'est bien parti en tout cas, vraiment. C'est un de tes préférés du printemps toujours. Ouais, c'est vraiment un très bel album, et à chaque fois que je l'écoute, je redécouvre des choses. Vraiment, c'est... Qui publie ce disque ? C'est tout simplement le label de Julien, de Strasen Goat, 213 Records. C'est limité à 500 exemplaires. Il se peut que là, il n'y en ait pas pour tout le monde, voilà. Parce que vraiment, si peu que les gens y mettent l'oreille dessus, je pense qu'à un moment donné, on va en parler. On poursuit et on change de continent, on part aux États-Unis, on passe sur la côte ouest et on parle de Gangrène. Après la mort des cochons, la Gangrène, ça tombe bien, avec ce duo qui vient de sortir un premier album qui s'appelle Vodka et and Ayahuasca. T'allais dire Vodka and Aioli. C'est pas loin de ça. Ouais, t'es curieux. Et qui est un album où on retrouve un gars qui s'appelle Michael Jackson. oui, ils aiment rigoler, façon, A, le pire étant qu'il y a forcément des homonymes sur ce continent. Voilà. Et donc, il a un alias qui s'appelle Ono, c'est entre autres le petit frère de Madlib, pour ceux qui suivent un peu la scène hip-hop. Et dedans, l'autre, le comparse, c'est Alan Maman, alias The Alchemist, qui est personnage obscur, mais qu'on connaît aussi derrière Dilated People, Mobb Deep et parfois même DJ d'Eminem. Donc, que dire, le son très particulier de Gangrène, c'est un truc, un son un peu psyché, un peu prog, qui est un peu, je dirais pas nouveau dans le hip-hop, mais en tout cas, vraiment là, c'est ça pas, part... C'est pas celui qui avait été le plus exploité jusqu'ici. Voilà, les samples, c'est du percho, quoi. C'est genre, c'est quand il y a de la dope, ils y sont, et pour cause, parce que l'album s'appelle Vodka and Ayahuasca. Et Ayahuasca, c'est une sorte de purgatif hallucinatoire. C'est un truc pour te défoncer le cul, mais aussi pour bien vomir. Et a priori, quand tu vomis, t'envoies toutes les chandelles. C'est un trip vraiment très particulier, et ça se sent dans cet album très réussi, qui peut autant plaire à certains fans de Antipop Consortium, à Sensational. Il y a même à un moment donné des guitares qui sont jouées, on dirait presque l'album de Black Rogue. Vraiment, c'est du solide. On écoute un extrait, il s'appelle Oralac Bags. C'est Gangrène dans Le Secret du Son d'Abat. That cash and then you buy it up. Go ahead and get that bag, see we supply the stuff. I got the fiends ready to work, they wanna get a cut. By any means, so many things, they not eyeing up. Got it smeared all on their face, sniffing the damn plastic. Wildin', punching in cars, running in traffic. Violent, with something that started to stem massive. Riding on bikes off of some acid. And everybody want the hookup, and everybody's focused about as tight as a hookup. Mad loose, now look where the time done took you. Sitting on the curb with your nerves all shook up. Stomach growling, hungry, fiends be starving, and the whole world keeps revolving. Raw food out of dirty garbage, outside of a clear apartment. Fresh cans of Aerolac for y'all new artists. Breathe, I keep them huffing and puffing. Really, y'all ain't even saying nothing. Y'all ain't even saying nothing. I dare y'all to try and say something. Breathe, I keep them huffing and puffing. Really, y'all ain't even saying nothing. Y'all ain't even saying nothing. I dare y'all to try and say something. Breathe. Terrorize a tube in Bucharest. Big bags of Aerolac vapors what I ingest. To the chest, lay the cardboard blanket down on the ground and get some rest. Ghetto birds bundled up in a nest. Heart racing, get erection from paint sniff. I pour it in a plastic bag, breathe it and take lift. Zoning out, spit on the subway when it's rolling out. I need you to pour me a little more, stop holding out. I'm blinded and one track minded. Go crazy when I just can't find it. Like Marvin, flying high in a flendy sky. Sleep in the park, or a spot dark enough in the lot for parking. Barking, secondary cigarette butt sparking. Dark days run through an underground maze and leave my mark in it. Master, swimming through big bags of lacquer paint dripping off my face out. And wipe it off with my sleeve. Breathe, I keep them huffing and puffing. Really, y'all ain't even saying nothing. Y'all ain't even saying nothing. I dare y'all to try and say something. Breathe, I keep them huffing and puffing. Really, y'all ain't even saying nothing. Y'all ain't even saying nothing. I dare y'all to try and say something. Breathe. Again. And I was really fucked up. The other reason was because I was just I had bought a shack. I thought she was going to start off. Man, they're all on the same ego trip. I gotta be out of my mind. Nigga on a number one street. There's something gory in my juice, but I'm still squeezing, processing vernacular, speaking in spectacular dreams of my future. I'm as good as Don Quixote, smoking peyote with the dead clan of Hopi. But you can't burn me in a teepee. Watch me as I go pee-pee on the holy nationality of greedy. I don't hang at CB's gallery, I play there. You're the hare in the middle of the road, and I'm the Budweiser toad. I'm the toad below the bridge, you eat ghost. Check my chin, I got blood in my beard. Who's got the horns of the steer? I am a boot fighter. Well, not right now. Right now I deliver packages, but fuck that shit and all the fucking bastards. Give me your head and I'll show you what a ratchet is. Is this jazz? This is semen pizzazz. I'm Arthur Graham dancing about architecture. My mom was always down for lecture. Super academic, quick with polemics. I wish I was a mechanic, bipolar and manic, but still fixing souls like an engineer for Chrysler who spends his time with Volvos. We all play solos in the bathroom. I'm in the math room, do rudimentary equations, staging battles like life was risk. I drink the Brits tea and chill heavily, landing on a bag of Monchi cheese that can fuck like Cecil McBee plays bass. This poem should land like a big tongue kiss on a cheeky face. Arsenic and old lace will take me home when I'm done with the microphone. So what have you tried lately? I'm not, man. That's a start. Said I'm not. That's a start. That's good. I'm not done. That's a start. I'm not done, man. That's good. What's a done? That's a start. That's good. I smoke too much of that. But I still rock the stage like Betty Page rocked the Casbah. Gonna go to law school just to be mean. Sue Marlboro for 10 tons of Afro Sheen. When I shave my head, I look like Mr. Clean. But I never had an earring, I got an Oedipus complex, which is as complex as a Serbian Bosnian warrior reflex, which is like a race of whites and blacks breaking love on a bit of bloody rice checks. Add a little salt and that shit's a fat snack for the vault of history. Our great great grandchildren will eat you and me into a wonderfully harmoniously orchestrated bliss. Is there anything I missed? God, you got great. I laugh at the tabs in the Obit page. Take autographs and mimeograph mine to you. Smell the paper, savor the azaleas and chemicals. My name is Michael and I find nickels. If I was pregnant, I'd eat ice cream and pickles. If I was a Libra, I'd be fickle. If I wore platforms, I should be shot. So praise your soul for what you got. Praise your soul for what you got. Praise your soul for what you got. Praise your soul for what you got. Praise your soul for what you got. Maclad dans Le Secret du Son d'Abat, bientôt dans notre ville, donc voilà, ça, c'est super. Voilà, va être bonne cette petite soirée là. Très très bonne. 26 mai. 26 mai, dans le cadre du festival 100% hip-hop, collaboration, coproduction. C'est pas 56. 56 100% hip-hop, festival ouais. 56 100% hip-hop, organisé par Access Prod et Maple, Maclad et Zoxa et Le Secret du Son d'Abat en DJ set. Le samedi 26 mai, vraiment c'est une très belle date parce que bon, ça fait juste 10 ans que j'ai pas vu Maclad en concert. Et là on écoutait un extrait de Welcome to the After Future sorti en 99 sur Ozo Music. Quel album qui en Europe lui a permis un peu de faire date avant de signer sur Big Dada pour une série d'albums avant de se poser ses valises à Paris. MC, producteur très proche de la scène spoken words américaine, reconnu pour ses textes poétiques et combatifs. Voilà, McLad, on devrait plus le présenter, mais on doit encore le présenter parce que ça reste un artiste underground, dans le sens légitime du terme, c'est-à-dire qui a jamais vraiment réussi à percer au-delà des cercles d'initiés. Pourtant sa musique, son combat, ses textes ont fait date parmi les explorateurs de la scène hip-hop, et ça sera avec une grande joie qu'on va le découvrir, en tout cas sur la scène lorientaise, le 26 mai, et on sera heureux en tout cas de passer quelques galettes avant sa prestation, n'est-ce pas? Tout à fait, mon cher Greg. On prépare nos meilleures salves funk, hip-hop, soul. Et soul. Voilà, on continue avec Ungandan Methods. Garantie no fun, no soul. C'est no funk. No funk. C'est la techno puissante et recouverte de scories industrielles malsaines de Birmingham. Ancient Methods, plutôt, je crois que c'est plutôt des Allemands, et Carl O'Connor, donc de Birmingham. Ungandan Methods, c'est ce trio. Ça sort donc sur Ancient Methods, le label. On va s'écouter un morceau qui dénote un petit peu, parce que la musique de Ancient Methods, de ce label, a tendance un petit peu à se répéter sur ces motifs que je viens de d'évoquer. Le morceau She Belongs to Eternity voit cette recette un petit peu techno-industrielle confronté au Power Electronics, un petit peu façon White House Cut Hands. Tu vas voir que ça donne quelque chose de vigoureux et de moins linéaire, qui moi justement ma petite préférence sur ce EP, et je dirais m'a donné envie de choper ce EP là où j'avais tendance à penser, voilà, Ancient Methods, ça commençait un petit peu à tourner en rond, et là, ça balotte dans les on y va, quoi. She Belongs to Eternity, donc c'est Ungandan Methods, le trio donc de Carl O'Connor alias Régis, ton copain Régis, bien et sûr. Ancient Methods sur le label Ancient Methods, c'est parti. Thank you.

Eh bien, mon cher Greg, après la bastonnade électro-industrielle des Ugandan Methods, rien de tel que de revenir aux origines du genre, avec les maîtres incontestés de l'électro-indus. Quillat, hein. Quillat, incontesté et méconnu, inconnu, voire, parce que sorti des sphères, de la microsphère, voilà, qui les fait vivre, enfin, qui leur permet de vendre des disques, mais qui connaît les Splendeurs Geometrico, voilà, c'est vraiment, c'est vrai que l'électro-indus, c'est un mouvement qui a 30, 35 ans, qui a ses adeptes, ce sont souvent des gens qui achètent des disques, qui sont des gens j'ai envie de dire attentionnés, qui sont fidèles et qui permettent à des groupes comme ça de perdurer, sachant que bon, ce sont aussi des groupes qui sont inspirés, enfin en l'occurrence pour le cas des Splendeurs Geometrico, le nouvel album Dessa Rolos Geometricos est vraiment un excellent disque. Alors ils en sont comme beaucoup rendus à l'auto-édition. C'est Géométrique, leur propre label. Alors quand je dis ils au pluriel, c'est le membre originel Arthur Rollins et puis un récemment arrivé dans le combo Saviero Evangelista. Sachant que les deux autres membres du combo originel ont fichu le camp. Il n'empêche, l'esprit est toujours là, avec peut-être un glissement progressif avec le temps de choses très voilà, indus, avec les courts-circuits et les machines qu'on imaginait maltraiter, etc., vers peut-être l'usage de logiciels, une évolution vers un son peut-être un poil plus électronique, un poil peut-être plus policé, encore que ça s'entendait pas nécessairement avec le morceau Pulsion qu'on vient de s'écouter. Pulsion, c'était le nom de l'album précédent qu'on avait diffusé à l'époque. Pulsion, donc ouais, qui est vraiment hyper tendu. Il y a quand même des... Hyper répétitif et... Ouais, alors ça, c'est la règle du genre. Au-delà de la règle, tu vois, il la transcende, quoi, tu vois, la règle. Et donc, du coup, tu sors du morceau, t'es un peu laminé. Je pense que voilà, c'est aussi une vraie maîtrise, quoi. Des morceaux très longs qu'on imagine, assez jamé, je pense. J'imaginais le morceau précédent d'un Ugandan Methods jamé. Toi, tu pensais qu'il était beaucoup plus écrit. Voilà, en l'occurrence, là, pour le coup, c'est vraiment très... On sent que c'est vraiment très jamé, qu'il y a vraiment... Un côté tant que je suis pas allé au bout de l'idée, je lâche pas l'affaire. Néanmoins, voilà, sur ce Dessa Rolos Geometricos, donc sorti courant 2011 sur Geometric en Espagne, il y a des petites tentations groovy. Alors, mais c'est électronique. Cette année, tout le monde veut se la couler douce à Ibiza. Il y avait Clark dans une précédente émission, et là, Splendeurs Geometricos, ils ont dit c'est la crise en Espagne, les gars, c'est le moment d'arriver. Il y a un côté quand même moins intense que. Avec nos bad vibes sur les par le passé. Il y a un côté moins intense que par le passé. Bon, évidemment, vous me connaissez, j'ai choisi le morceau comme un des morceaux les plus forts de ce disque. En tout cas, moi, qui m'a paru le plus fort. Voilà, c'est évidemment un disque que je vous recommande de vous procurer. Dessa Rolos Geometricos. Qui distribue ça? Eh ben justement, oui, comme je le disais en introduction de mon propos, là, le fait est qu'on trouve ça relativement bien. Sur un certain nombre de distros, je pense même des gens comme Anzen, peut-être même Ad Nauseam doit avoir ça, Tesco peut-être bien, et tout un tas d'autres. Genre, ça reste un... Bah, c'est un gros nom de la musique électronique. Voilà, et c'est une scène bien vivante avec ses adeptes qui ont de l'argent ou qui ont décidé de dépenser de l'argent dans les disques et dans des supports. Et du coup, qui la font vivre. Et qui la font vivre. De là à dire effectivement qu'Esplendeur Geometrico vide sa musique, je me suis peut-être avancé. On poursuit avec Oyarz. Un nouveau venu de cette même scène. Là, pour le coup, c'est un Letton. On avait diffusé un album qui s'appelait Oyarz Undrogi, qu'on traduirait en français par Oyarz et ses amis. Yars and Friends en anglais, comme on aime dire, et qu'on avait diffusé il n'y a pas si longtemps, tout début 2012, qui était en libre et qui reste en libre téléchargement depuis son propre, alors je sais plus si c'est un Bandcamp, un WordPress ou un autre blog du genre. Et puis évidemment, Oyars, avec ce disque en libre téléchargement et surtout auparavant avec ses participations au projet 3x3 mené par Cloaks, etc. 3x3 qui va accueillir très prochainement J.K. Flesh, Justin Broderick, dont sera le grand retour. On a hâte de le revoir venir dans cette émission. Je croyais qu'il était mort. Voilà, quoi qu'il en soit, Oyars, voilà, c'est évidemment. A du coup s'est fait un petit nom aussi dans cette scène. Pas étonnant de le voir arriver pour son premier véritable album, on va dire, sur Ad Nauseam, c'est l'album Bads. On va s'en écouter un extrait tout de suite. L'électro abrasif de Oyars et en même temps matiné d'un son relativement ample, parfois avec des atmosphères limites un peu ampoulées, des mélodies pas toujours hyper subtil, mais enflammé. Il y a un côté crépusculaire, un peu genre, mais tu vois, ambiance coucher de soleil sur un cimetière de sous-marin nucléaire. Ah, voilà, c'est tout à fait ce qu'on aime. C'est le printemps, c'est le secret du son d'Abba, c'est Oyars avec l'album Bads. Zan zum Maten is back no loden. Dios, unus palak. Zalaya. šoreiz skan dūdas, iestājas pilmenes. Ça fait du bien, hein, mon cher Greg, de redescendre tranquillement après cette séance de autoflagellation. D'autoflagellation électro. C'était très bon, c'était très bon. Et là, on écoute, on vient d'entendre Mark Van Hoen. Mark Van Hoen, donc un... Le Hollandais. Alors là, tu me poses une colle, je sais même pas, je crois bien que c'est un... Non, c'est un londonien, dis donc. Moi, c'est vrai que je l'ai toujours pris pour un flamand, bah un truc dans ce goût-là. Et, erreur. Alors, ce qui m'avait d'ailleurs induit en erreur, c'était que ses tout premiers disques étaient sortis par Apollo, qui est la division ambiante, on va dire, ambiante expérimentale. Avec beaucoup de guillemets, du label RES, qui est lui pour le coup un label du Benelux, label qui s'était illustré en sortant les tout premiers disques d'Aphex Twin. Ah. Je te parle de ça, on était tout juste majeurs. Certains étaient panés. Et Mark Van Hoen était déjà de la partie en 94-95. C'est-à-dire qu'il doit être plus vieux que nous, à l'heure qu'il est. C'est bien possible. Et il le restera. En tout cas, très beau morceau. Voilà. Justement, ceux qui s'étaient intéressés à ce qu'on appelait à peine l'Electronica à l'époque et dont il était un des tenants, hein, se souviennent peut-être de certains EP ou LP, notamment un LP qui s'appelait Truth is Born of Arguments, qui était vraiment... un truc assez majeur, mêlant des rythmiques déjà crypto-industrielles avec des vocalises un peu fantomatiques, des gimmicks un peu, des leitmotifs un peu tribaux. C'était complètement personnel et c'est, on a l'impression qu'il y a un peu des restes de cette période-là sur ce disque qui est une nouveauté, hein, qui s'appelle The Revenant Diary, sorti par Édition Mego avec un joli packaging signé Stephen O'Malley. Ah bah tiens, toujours de la partie quand il s'agit de faire des belles choses. Et voilà, c'est un très chouette disque qui ravira ceux qui avaient beaucoup aimé les débuts de carrière, j'ai envie de dire, de Mark Van Hoen, donc du côté de RES et Apollo, puis aux côtés de Darren Seymour, un des membres de Seafield, du côté de H International, Touch, etc. La deuxième partie de carrière de Mark Van Hoen, moi je l'avais moins suivi, elle était beaucoup plus lisse. Entre temps, il avait cofondé Scala avec certains membres de Seafield, et puis voilà, je l'avais un petit peu lâché sur les années 2000. Je trouvais que sa musique était un peu trop polissée, ça virait presque à force de jouer du post-shoegaze, tu vois, il en restait que les que le post que le shoegaze, que le côté un peu trop léger, il manquait la densité, parfois même il manquait la saveur mélodique finalement. Voilà, et là il revient vers vraiment quelque chose qui lui sied bien, ses nappes voilées, ses rythmiques chaloupées, ses frottements de surface minérale, enfin voilà, c'est tout ce qu'on aime chez lui, et on a plaisir à le retrouver. On quitte la sphère électro pour revenir un peu aux guitares. On parlait de shoegazing. On va faire un petit tour vers de Clone Nothing. Clone Nothing, c'est le Dylan Baldi. Parce qu'à la base, Clone Nothing, c'est un projet solo mené par le petit Dylan, jeune et fringant américain, qui s'est entouré de quelques comparses pour sortir son troisième album, qui s'appelle Attack on Memory, sorti fin 2011, enregistré par Steve Albini. Toute la fraîcheur de l'indie rock des années 90, du punk rock, voire du grunge, diront certains. Il y a des élans pas loin, en effet, de Nirvana, de voir les meilleurs morceaux de Green Day. Voilà, on est sur quelque chose d'assez léger, assez frais. Un album encensé, puis évidemment flingué par d'autres, qui finalement vaut son pesant de cacahuètes. Et il sera en concert dans l'ouest de la France. Ça sera au mois de mai, ça sera au Festival des Trois Éléphants. Du 11 au 13 mai. Du 11 au 13 mai, avec, pour parler des copains, Contact In Vivo, la colonie de vacances. Et il y aura aussi Charlotte Gainsbourg. Ghost Poet, qu'il faudra pas rater. En tout cas, voilà, une jolie affiche de ce festival qui se passe en ville, dans la ville de Laval, en Mayenne, que Monsieur Melon connaît bien. Et le secret du son d'abat en fera partie de la fête et passera quelques disques et quelques disquettes en en VIP. Voilà, donc le public lambda ne pourra pas venir nous voir, mais tant pis pour vous. Voilà, en tout cas, on va écouter un extrait de ce Attack on Memory de Cloud Nothing qui sera à voir lors du festival des Trois Éléphants à Laval au mois de mai. A tout de suite. Yeah. Lee Ranaldo dans Le Secret du Son d'Abba. Bah oui, quand même, superbe album de Lee Ranaldo qui est venu un petit peu à point nommé pour sceller définitivement la disparition de Sonic Youth. Qu'importe, en tout cas cet album de pop song parfaite vient ensoleiller notre printemps, monsieur Melon. Ouais, moi je dois dire que là, je suis vraiment tombé sous le charme de ce disque, beaucoup plus que sur celui, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, de Thurston Moore, voilà, que j'avais, j'avais gentiment aimé, mais qui valait pas les trompes de louanges qu'on a pu sous lesquelles on s'est retrouvé en lisant la presse et en écoutant les radios. En tout cas, j'espère que celui-ci recevra un accueil tout aussi enthousiaste, j'espère bien. Between the Times and the Tides, plus rock, le compromis idéal entre Sonic Youth et REM, avec une voix qui de plus en plus ressemble à celle de Stipe, et on n'est pas forcément, on trouve pas ça forcément désagréable. Comme tu l'as dit, des pop songs parfaites à l'image de ce Christina As I Knew Her. C'est sorti par Matador il y a quelques semaines de cela, et on vous encourage à vraiment vous le procurer et à vous en délecter. On poursuit et on retrouve l'ami Thomas Bonvalet. Thomas Bonvalet, ancien guitariste dingue de Cheval de Frise, duo Matrock mythique, cultissime français, qui revient avec un quatrième album solo qui s'appelle Serpentement, sorti sur Muraille Media et Souterrain Refuge, qui délaisse un petit peu son ukulélé, qui délaisse un tout petit peu son banjo pour aller vers des vibrations de sonore, du travail sur les objets, travail avec l'harmonica, plus travail sur des percussions que sur des cordes, on va dire, pour une bande son de lendemain pas très gay, on va dire. Cet album est enregistré. C'était quand même pas très jouissif précédemment, je veux dire. Et ben là. Et en même temps, il y a quelque chose de un peu plus lumineux, un peu plus ensoleillé que celui précédent. Mais c'est en clair-obscur, hein. Voilà, vous allez voir. Enregistré dans une clairière, non, dans le temple protestant de Bergerac, monsieur. Excusez-moi du peu. En effet. Et il faut savoir que Thomas Bovalet vit pas loin de Bergerac, enfin, de temps en temps, quand il n'est pas en Espagne. Donc Thomas Bonvalet que j'aime beaucoup, voilà, sort un nouvel album vraiment encore différent du précédent. Je ne sais quoi dire, moi je l'aime beaucoup, donc je vous encourage vraiment. Eh bien, puisque tu l'aimes beaucoup, je crois qu'on va beaucoup l'écouter. Voilà, Serpentement, dans Le Secret du Son d'Abba, c'est Le Selmar. Thank you. Keith Fullerton Whitman dans Le Secret du Son d'Abba. Ça fait longtemps que je me dis que j'en passerai bien un petit bout, voire un long bout, parce que c'est difficile de rester en dessous des 5 minutes, voire des 10 minutes parfois, avec ce compositeur. On a eu la chance de le voir cet hiver, Greg, dans le cadre du festival Câble, avec ses modulaires fous. Ouais, c'était génial. Hein. Avec un son qui tournoyait, qui a fait forte impression. Qui a fait chavirer le public vraiment avec des sons d'une puissance et d'une définition et d'une beauté assez rare. En tout cas, vraiment, c'était très très très très beau. Très beau set, vraiment hyper bien mené. C'était vraiment un très beau moment de musique électronique. Voilà, avec un spectre assez large hein, de sons analogiques, mais vraiment ça magnifique. Ça reste évidemment assez difficile d'accès. On n'est pas dans des formats conventionnels. Preuve en est qu'ils jouaient à câble et non pas Festival Soy, au Scopitone. Voilà. Ouais. Et pour ne parler que des festivals nantais. Et voilà, c'est quand même un spécialiste des musiques expérimentales, difficiles, ambitieuses, mais avec c'est pas forcément le plus foufou et le moins abordable de De la bande. De la bande. Mmh. Il a une discographie, par contre, qu'on ne saurait, dans laquelle on ne saurait trop par quel bout rentrer, parce qu'elle est assez copieuse. Il est assez prolifique, sachant qu'il enregistre aussi bien en studio que qu'il publie des extraits de live à l'image de Merzbow, voilà, de à l'image du morceau qu'on vient d'écouter, qui a été enregistré dans le cadre d'un festival en hommage à Eliane Radig, qui est une compositrice française, on va dire, de l'époque et de la sphère de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, et qui a enfin ces temps-ci une reconnaissance méritée, parce qu'elle elle doit avoir 80 piges à force. Et voilà. Ça s'appelle Issue Generator, c'est publié à nouveau par Édition Mego, qui décidément est complètement incontournable en ce moment. La crise de disques, ils disent. C'est un EP qui s'appelle Generators, qui fait suite à d'autres EP qui s'appelaient déjà Generators. Cherchez pas à comprendre quelque chose, jetez-vous dans la musique de Keith Wilton Whitman, dont on se souviendra qu'il a animé un projet qui s'appelait Hervatsky dans le courant des années 90, qui était à la suite des Lesser et autres Kit 606, qui était vraiment spécialisé dans les drill and bass, breakcore, foudingue, et passionné déjà passionné, alors à l'époque plutôt par les logiciels plus que par les modulaires. Maintenant, c'est vrai qu'il s'est beaucoup plus mis au vieux synthé, et pour notre plus grand plaisir, Keith Wilton Whitman. On va se quitter avec un long morceau de 12 minutes. C'est le retour de Monarch avec un nouvel album qui s'appelle Omens, sorti sur Atlas Recordings. On va écouter le long morceau introductif. Bon, il y en a que 3, hein, donc en même temps, c'est vite fait. Il s'appelle Blood Cirrus. Voilà, donc depuis 2005, hein, Emily, Michael et Shiran, puis quelques batteurs de passage, jouent leur funeral doom. Hautement reconnaissable. À la sauce pop désormais. Hein. Alors bon, voilà, tout est pop pour moi, mais pas pop pour tout le monde. C'est-à-dire que, en effet, ils ont, on avait pu le voir lors sur la dernière tournée française, hein, rajouter une guitare, ce qui fait un son plus gras, avec un spectre pas si agressif en ouais, tout cas. Moins agressif en fait. Et la violence, elle est pas forcément au même endroit, ce qui m'a pas forcément plus tout de suite. Il y avait un côté même planant qu'on n'aurait pas forcément attendu. Et donc, clairement, on retrouve ça, hein, sur l'album, ce côté planant. C'est vraiment bien amené. Donc, les bases de la musique de Monarch sont bien là. Hein. On est dans la trilogie Black Sabbath, Corrupt, Burning Witch. Voilà. Mais en effet, le passage de Shiran dans Year of No Light, qui est maintenant le troisième guitariste de Year of No Light, ça semble avoir son effet, on va dire, et on va vers des choses un peu plus progressives, etc. C'est vraiment plutôt bien vu. Je sais pas encore si c'est mes enregistrements préférés de Monarch. Je laisse le temps un petit peu de me dicter mon avis. En tout cas, ça reste encore du bon son. On écoute donc Blood Cirrus de Monarch. C'est enregistré par Rob Schaffer de Yob et Dark Castle, qu'on retrouve à la batterie aussi. Puis il y a des multitudes d'invités sur cet album là. Qui est un peu l'album de la reconnaissance, en tout cas pour le quatuor bayonnais. Monarch, dans le secret du son de là-bas, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.